Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL 89.1 et dans ce dernier segment d'émission, on va aborder un sujet qui nous concerne, qui concerne une grande partie de la population. Alors là, on ne parle donc pas de courir le marathon en moins de 2 heures, mais de quelque chose de beaucoup plus terre à terre, le gaspillage alimentaire. Et c'est Geneviève Ouellet-Saint-Hilaire qui va nous en parler. Bonjour Geneviève. Bonjour Valérie. Alors oui, ce soir, j'avais envie de vous parler de gaspillage alimentaire, un sujet quand même très chaud. Ce sujet-là, il coïncide bien avec la journée mondiale de l'alimentation qui aura lieu là, le 16 octobre prochain. Et dans le fond, la journée mondiale de l'alimentation, ça, c'est une journée qui est célébrée là, chaque année depuis 1945 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc plus communément appelée là, dans notre jargon l'ONU. Là. Mm-hmm. Donc cette année, la thématique, c'est l'agriculture familiale, nourrir le monde, préserver la planète. Alors, selon l'ONU, si on veut continuer finalement à nourrir toutes les personnes de ce monde et en ayant un souci là, de préserver la planète, une des solutions qui est envisagée, là, c'est de s'attaquer de plein fouet là, mm-hmm. au problème du gaspillage alimentaire. D'accord, mais alors donc, qu'est-ce qu'on entend par gaspillage alimentaire? Des exemples? Oui, donc l'ONU définit le gaspillage alimentaire ou en anglais, là, le terme c'est « food wastage » comme étant une nourriture qui est perdue, soit par détérioration ou soit par le rejet. Mm-hmm. Donc, en fait, le terme gaspillage, là, ça englobe à la fois soit la perte de nourriture ou les déchets alimentaires qui sont engendrés, là, finalement, par cette perte. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il en est au Québec de ce gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est alarmant? Oui, c'est alarmant. Vous savez, le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu de société au Québec. Comme partout d'ailleurs dans le monde. Mm-hmm. En 2012, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec a estimé qu'environ là, entre 20 et 50% de tous les déchets de l'industrie alimentaire québécoise sont des déchets qui sont propres à la consommation humaine. Mm-hmm. Donc, en d'autres mots, là, plus simplement, c'est de le 20 à 50% là, de ce qui est produit dans les champs par nos producteurs québécois qui ne se rendent pas dans les assiettes, finalement. C'est malheureux. Qui prennent finalement le chemin directement de la poubelle. Là. Ouais. Donc, c'est un chiffre quand même énorme. Et il faut dire que les fruits et les légumes, c'est les aliments qui sont les plus gaspillés parce que c'est sans doute en fait à cause de leur côté périssable. Ouais, là, naturellement, vrai. Ils sont très périssables. Et du côté du Canada, j'imagine que c'est similaire. C'est pas plus rose, oui, en effet. Selon certaines statistiques là, qui ont été publiées par Statistique Canada en 2009, un Canadien jette en moyenne 1 livre de nourriture chaque jour. Chaque jour. Donc, 1 livre, là, c'est à peu près 1 demi-kilo, là, si vous préférez. Donc, c'est encore là, les statistiques sont alarmantes. Et de plus, selon le rapport Food Wastage in Canada, qui a été publié en 2010 par le Value Chain Management Center, eux ont établi à 11% des aliments qui seraient gaspillés au mm-hmm. niveau du détail, donc des grandes chaînes alimentaires, tandis que 51% des aliments seraient gaspillés au sein même des foyers canadiens. OK, donc à la maison directement. Oui, plus à la maison que dans les industries même. Ouais. Alors, à la lumière de ces statistiques-là, ben, c'est donc dire que la responsabilité, là, elle incombe autant à l'industrie alimentaire qu'aux consommateurs, puis que chacun doit s'efforcer de faire partie de la solution, là, finalement. Puis je présume que c'est une situation qui est mondiale. Oui, effectivement, au niveau, que ce soit au Québec, Canada ou au niveau mondial, c'est la même situation. En fait, l'ONU a établi que le tiers de la nourriture produite mondialement serait gaspillée. Donc, et c'est les deux principales causes qui seraient invoquées, ce sont de mauvaises techniques de récolte pratiquées dans les pays en voie de développement, mm-hmm. qui ont moins d'outils finalement, et le gaspillage qui est généré par les consommateurs mm-hmm. des pays riches, là, comme le Canada. Donc, ça veut bien dire que ce gaspillage alimentaire, ben, c'est un phénomène planétaire. Si on se rapporte au Canada, bon, les grands distributeurs alimentaires doivent respecter certaines des exigences pour commercialiser leurs produits, donc par exemple les fruits, leurs légumes. Est-ce que ces exigences, parce qu'on veut toujours des beaux fruits, hein, des belles tomates, est-ce que ça ne favorise pas en quelque sorte le gaspillage alimentaire? Oui, en fait, la question des normes très complexes là, qui régissent la vente et les catégories de produits, c'est une question qui est quand même très sensible à discuter. Les distributeurs alimentaires du Canada, eux, vont plutôt stipuler que c'est le consommateur, après tout, qui exige ses standards élevés au niveau de l'esthétisme. Et si le consommateur exige la perfection, eh bien, le rôle des chaînes alimentaires est donc de répondre à cette demande-là. Mm-hmm. Hein, c'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Et par exemple, pour répondre aux normes très élevées en matière d'esthétisme au Canada, Je prends l'exemple d'une carotte. La carotte doit mesurer entre 6 et 8 pouces et doit avoir un diamètre entre 1,5 pouces et 1,5 pouces. Mm. Donc, il ne faut pas oublier qu'une carotte, là, ça ne pousse pas dans une usine. Ben ça non. pousse bel et bien dans un champ. Et on ne peut pas faire une carotte sur mesure, finalement. Donc, vous comprenez un petit peu le principe ici. Et avec de telles exigences, eh bien, les producteurs québécois jettent environ entre 20 et 25 % de leurs produits parce qu'ils sont hors normes. Mais ça ne les empêcherait pas d'être bons. Exactement. Alors, comme tu l'as dit, Valérie, sont bons, sont surtout beaux, sont rigolos même, et surtout, sont tout aussi nutritifs que ceux qui rencontrent les normes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une initiative en France pour mettre quand même en marché ces produits-là, ces légumes hors normes? Exactement. Donc, au printemps 2014, là, il y a une des plus grandes chaînes d'alimentation en France qui s'appelle l'Intermarché, qui a lancé une campagne de sensibilisation pour inciter les gens à consommer des fruits et des légumes. Et eux, les légumes et les fruits qui sont hors normes, ils les ont qualifiés de de moche. Mm-hmm. Donc, les fruits et les légumes qui sont dits moches parce qu'ils ne correspondent pas finalement aux standards. On fait référence peut-être à, par exemple, une carotte à deux pattes, un concombre en forme de U, ou une tomate siamoise finalement. Donc, ce n'est pas des légumes et des fruits qu'on retrouve dans les épiceries. Alors, l'idée derrière cette campagne-là, c'était de lutter contre le gaspillage alimentaire, évidemment, et aussi de réduire le coût moyen à l'achat des fruits et des légumes du panier des consommateurs. Alors, de façon générale, là, dans cette campagne-là, les fruits et légumes dits moches étaient vendus le 30 % moins cher que leurs concurrents. Alors, et en plus de la vente des fruits et des légumes, ben, ils ont fait des dégustations. Donc, les gens pouvaient goûter là, de la soupe de carotte moche ou du jus d'orange moche. Puis, le but de cette dégustation-là, bien, c'était simplement de faire voir aux gens que les légumes et les fruits qui sont moches, ben, goûtent la même chose que, que les fruits et les légumes qui sont de la norme. Donc, les gens l'ont vite compris, puis ça a été vendu très rapidement. Donc, cette initiative d'Intermarché, ben, ça a été bien accueilli en France. Leur succès a vraiment largement dépassé leurs attentes. Ils ont eu une augmentation de 20 à 25 % de l'achalandage. Ils ont eu certaines ruptures de stock même. Donc, ça a vraiment été un succès. Mm-hmm. Puis, croyez-le ou non, là, ça a été un succès même si les consommateurs cherchaient les plus belles oranges parmi les oranges moches. Malgré tout. Malgré tout. Ouais. Et dis-moi, Geneviève, bon, toi, en tant que jeune nutritionniste, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? On pourrait la transposer ici? Ah, mais je trouve l'idée là vraiment là très intéressante. C'est une campagne de sensibilisation qui rappelle aux consommateurs que la nature n'offre pas toujours la perfection et que les fruits et les légumes, ça pousse pas en industrie. Donc ça, c'est un petit rappel que je trouve très intéressant. Et effectivement, ça encourage la consommation de fruits et légumes, mais on sait qu'il est loin d'être optimal au Canada. Selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2012, il y a seulement 47 % des femmes et 34 % des hommes âgés de 12 ans et plus qui rencontrent finalement, qui mangent au moins 5 portions par jour de fruits et légumes. Donc, la recommandation, c'est 7 à 10 portions par jour selon l'âge et le sexe, là, d'après le guide alimentaire canadien. Donc, tout le monde le sait, la consommation de fruits et légumes, c'est bon pour la santé, avec ça regorge de vitamines, de minéraux et de fibres. Donc, c'est sûr que c'est une initiative que je trouve très intéressante, puis on est bien loin de cet objectif-là au Canada, mais je crois que ça vaudrait certainement la peine de l'essayer au Québec. Oui, d'accord. Ben, moi aussi, j'ai bien hâte de voir un rayon de fruits et légumes biscornus à l'épicerie, il me semble, en plus que la période d'Halloween s'y prêterait bien pour faire l'essai. Oui, effectivement. Merci Geneviève. Merci.